Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Émilie Gauthier qui est avec nous pour parler de plein air. Bon matin à toi. Allô. Ça va? Bonjour, bonjour. Avec ma petite voix, mais ça va. T'as pas l'air d'aller tant que ça. J'ai une petite grippe là. T'as une petite grippette? Mais t'as pas de l'air si pire, pour vrai. Non, ça non, va. Non, c'est la voix qui suit pas un matin, là. On va l'appeler grippette. Ouais, c'est sûr. Non? On va lui donner un petit nom? Non. Bruno Blanchet, non? On va l'appeler grippette. Ça fait qu'on va l'appeler grippette. Non? Ça, le studio pantoute? Non, aucune. Non. Donc aujourd'hui, tu nous parles de plein de sujets. On va parler tantôt du parc du Mont-Arthabaska, du sentier des Trotteurs, du réservoir Baudet, du sentier des Cascades du Ham-Nord, du sentier sud-est, de la ville de Victoriaville en général. Mais, on commence avec les coulées d'Inverness. Est-ce que je le prononce bien? Ben, je sais pas, mais c'est une ville. Je sais pas si on serait mieux de dire Inverness. Inverness! Ou... Je sais pas, mais je sais que c'est une ville. On va l'appeler Grippette. C'est même pas un nom de parc, là, c'est vraiment une ville. Oui. Fait que c'est cette petite... C'est dans quel coin, ça? C'est un petit peu plus haut que Victo. OK. Tu sais, Victo, c'est environ 40-45 minutes. Ça, c'est une heure et demie. Donc, c'est okay. Un petit peu plus haut que Victo. T'as apporté une map la semaine prochaine. Ça serait bon. C'est bon, ça? Cette ville-là, qu'on ne prononcera pas à nouveau au cas où qu'on le dise pas comme il faut. La ville qu'on ne prononcera pas son nom, là. C'est ça. Voldemort. Exactement. C'était autrefois colonisé par des Irlandais, des Écossais. C'est sûr que cette population-là, aujourd'hui, a fait partie, en grande partie, de la culture et du patrimoine québécois à cette ville-là. Il y a une route celtique, un circuit historique qui se joint au sentier découlé, qui se divise en deux circuits. Il y a le circuit jaune et le circuit bleu, qui débutent toutes les deux dans une érablière. Et qui sont accompagnés de panneaux qui parlent de l'histoire de la région. Les deux, j'emmène soit un ancien champ de tir ou l'autre, une ancienne pente de ski, qui sont deux choses qui sont quand même tournantes pour l'histoire de ce coin-là. On a donc 3,6 km en deux sentiers. C'est ouvert toute l'année, toute la journée. C'est gratuit. C'est une heure et demie de l'université. Puis on peut avoir plus d'informations en écrivant à la route celtique à commercialbelnet.ca. L'adresse est évidemment sur le site web d'Assemblage Requis. Oui. Ou assemblagerequis.com. Oui. Parlons du parc du Mont Arthabaska. Oui, j'avais peur. À chaque fois que je l'écrivais, je sais là où est-ce que je l'écris comme il faut. Les H à la bonne place. A-R-T-H-A. B-A-S-K-A. Yeah! Mais tu sais, on dirait que quand tu le tapes vite, que tu mets un K à mauvaise place. Oh non, faut que tu fasses attention. Ouais, c'est ça. Même le R, des fois, a tendance à... Là, j'avais tendance à écrire arbre. Je sais pas pourquoi. Tu sais, Arthabaska, arbre, je sais pas. Peut-être la grippe aussi. Peut-être la grippe. c'est un tout petit parc d'une superficie de 0,7 km² qui est presque entièrement boisé. Il offre deux sentiers qui traversent une érablière et une forêt de conifères. Du belvédère, on peut observer un panorama de la ville jusqu'à la plaine du Saint-Laurent. Et on peut même apercevoir le pont La Violette quand il fait beau, qui est situé à environ 38 km ouais. De là. Crème, 38 km, hein, quand même. Ouais. Ouais. Ouais. Non. Je pense que ça doit être beau. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Je sais qu'en haut du Mont Carmel, on le voit très bien. Mais... Ouais, c'est ça. Mais là, c'est un petit peu plus loin. Ouais, c'est plus loin. Il y a le sentier noir qui est 6,2 km qui contient des mangeoires pour observer les oiseaux. Il y a environ 150 espèces qui ont été recensées. Il y a des panneaux qui renseignent sur l'histoire de la ville, l'histoire du mont, de la croix en haut. Et puis, ben, dans le fond, en tout, on a 7,2 km en deux sentiers ouverts à l'année toute la journée. C'est gratuit, c'est environ une heure de Trois-Rivières, puis on se rend au www.montarthabaska.com pour plus d'informations. Là, si vous ne savez pas comment l'écrire, il est sur le site. C'est ça. Il est sur le site. Sentier des Trotteurs, on marche jusqu'au Sentier des Trotteurs. On marche. Ben, on peut marche mais à partir du mont, du parc du Mont-Arthabaska, parce que c'est un sentier qui... Si c'est pas fait, ça devrait être fait sous peu, qui va être relié. Les deux parcs, dans le fond, devraient être reliés par un grand sentier d'une trentaine de kilomètres. Donc, on devrait être capable de se rendre en marche-marchant des deux places bientôt. C'est divisé en deux parties. Il y a le sentier des Cascades et le sentier du Pic. On trouve une grande variété d'arbres pour ceux qui étudient en bio ou quoi que ce soit, qui ont besoin de autant du bouleau que du petit cerisier. Il y en a. Il y a même de l'épinette de Norvège. Ça a l'air que c'est très beau à voir. Wow. L'épinette de Norvège. Ouais, c'était. Il y avait beaucoup d'emphase. C'est la première fois que j'entends ça. Il y avait beaucoup d'emphase sur l'épinette de Norvège. Je sais pas de quoi. Ah. Ça a l'air bien beau. Faudrait qu'ils fassent de la bière d'épinette de Norvège pour que ça m'intéresse. Ouais. C'est bon. T'aimes ça, la bière d'épinette? J'adore la bière d'épinette. Ah ouais, ah, ouais. Oh, tu dois t'aimer des salles que je connais. Pour vrai? Mathieu, et tout ce qui se mange d'habitude. Et bois. J'avoue. Tout ça. C'est un peu vulgaire, par exemple. Ouais. Oui. On va continuer. Ouais. Le sentier des Cascades qui va longer deux petits ruisseaux. Ça va pas bien, toi! Bon, OK. Qui va longer deux petits ruisseaux qui vont former une cascade qui va se joindre à la rivière Bulstrode, effectivement. Bulstrode. Belle rivière. Ah oui? Oui. Tu nous en parles avec expérience? La semaine prochaine. OK, c'est parfait. Puis il y a le sentier du Pic qui y a une portion un peu plus raide d'environ 50 mètres qui permet de voir vraiment une plus belle vue. Il y a même un câble qui est installé pour faciliter la montée. Donc en tout, on a 18 km de sentier en deux sentiers. C'est ouvert toute l'année, toute la journée. C'est gratuit. On aime ça. Ça, c'est situé à environ 1h15 de l'université. On peut aller sur sentierdestrotteurs.com pour plus d'informations. Parfait. On passe au réservoir Baudet maintenant. Ben oui, c'est un des principaux lieux à Victoriaville où est-ce qu'on peut observer près de 200 espèces d'oiseaux en saison. On peut être témoin de la migration des oies blanches. J'imagine qu'ils sont pas mal partis avec la température qu'il fait aujourd'hui. Je leur souhaite beaucoup, moi. Dans le fond, le sentier va longer le lac Baudet. C'est 5,2 km de sentier ouvert jusqu'à la fin novembre de 7h à 23h. Et c'est gratuit. L'entrée se situe à côté de l'usine de filtration des eaux. Ça me semble que ça ne donne pas le goût d'y aller, mais en tout cas. À Victoriaville, c'est environ 40 minutes de l'université. On peut se rendre sur le site de la ville pour plus d'informations. www.ville.victoriaville.qc.ca. Mm-hmm. Sentier des Cascades du Ham-Nord. Oui, c'est une ville, ça aussi, Ham-Nord. Hein? Okay. On apprend des belles villes aujourd'hui. Tu vois, non, une ville dédiée au jambon, c'est ça? C'est ce que je me suis dit, moi aussi. Ouais. Je vais donc, Mathieu va penser à jambon à ce moment-là. Ben, ça n'a pas le choix, là. Hein? Ouais, jambon, ça. Érable et poivre rose, là, c'est vraiment le meilleur. Érable et poivre rose. Ça me semble qu'il y a de bonheur pour parler de jambon. Mmh. Ça sonne cabane à sucre, je trouve. Ouais. Ouais. C'est très bon. Ouais. Bon. Donc, Ham-Nord, rien à voir avec est-ce le jambon, évidemment. Ah, peut-être qu'il y a des bonnes usines de jambon là-bas, je sais pas. C'est situé au bord de la rivière des Vases. C'est un sentier agrémenté par des cascades, des marmites, des formations rocheuses et des chutes. Plusieurs panneaux d'interprétation sont disposés pour nous informer de la flore et de la géologie. C'est un tout petit sentier de 1,5 km ouvert toute l'année pendant que le soleil est là. C'est gratuit... contribution volontaire. C'est écrit gratuit et en dessous, contribution. Je ne sais pas s'ils laissent rentrer sans qu'on donne 25 cents, mais je pense que contribution volontaire, c'est la moindre des choses pour c'est l'entretien. Ça. C'est situé à environ 1h15 de l'université. On peut obtenir plus d'informations en écrivant à l'adresse forum citoyen à commercial am-nord.ca. C'est ça. H-A-M. d'unionnord.ca. Et moi, ça me fait penser, tu sais, Ansel et Gretel, c'était tellement le fun, ça. Tu sais, la ville faite en bonbons, là, en pain d'épices. Là. Une ville faite de jambon, c'est pas trop demandé en 2010, là, il me semble, on est rendu là. Les murs en jambon. T'as dit ça de même, mais de jambon, c'est un petit peu plus périssable que des bonbons. Bon, ben, c'est raison de plus de le manger vite. Hein. Ouais. Mathieu. Sentier sud-est. Alors, pas sud-ouest comme la sauce. Non. Dans un sous-marin au jambon, mais bon. Non. Ça n'a pas de lien, Mathieu. Non. Mais le seul lien, là, c'est qu'il y a une passerelle entre le sentier des Cascades puis le sentier sud-est. Ah! C'est comme un peu le mont Arthabasca puis le sentier des Trotteurs, là. Tu peux faire les deux ensemble. T'inquiète, là. C'est un parcours qui passe à travers trois secteurs. Le premier, c'est une plantation d'épinettes. Le deuxième, une forêt sous gestion, donc on fait attention. Et le troisième, c'était une terre déboisée il y a environ 40 ans. Aujourd'hui, il y a de nombreuses espèces d'arbres qui ont poussé. C'est 6,2 km de sentier ouvert toute l'année, toute la journée. Là, c'était pas écrit gratuit, c'est juste écrit contribution volontaire. Fait que là, on doute moins. Ouais. C'est environ 1h20 de l'université. On peut obtenir plus d'informations en écrivant à la même adresse, le Forum citoyen et commercial amnord.ca, ou en appelant au 819-344-2828. Là, tu m'as dit qu'on terminait avec la ville de Victoriaville. Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est des activités diverses à faire là-bas ou tu sais quoi? Ben, c'est parce que j'ai comme un petit livre, des fois, de lieux de randonnée. Puis la ville de Victoriaville était là-dedans. Okay. Je me dis, je vais le lire. Puis, dans le fond. Qu'est-ce que c'est ça, Victoriaville? Je connais pas ça, moi. Dans le fond, tout comme Trois-Rivières, il y a. Tu sais, Trois-Rivières, on a une piste cyclable, on a des petits sentiers proches de l'université. Il y a un peu la même chose. Il y a différents parcours qui vont traverser la ville pour la faire découvrir un peu. Il y a la promenade des aînés de 3 km qui passe dans un boisé qui mène à la fromagerie Victoriaville. Mmh. Oh, c'est fabrique une bonne idée, du ça, fromage en grains depuis 25 ans. Ben oui. Ça doit être très bon, ça me donne le goût d'y aller. Le parc Terre des Jeunes, qui est un parc urbain qui est recouvert d'un boisé avec 6,5 km de sentier. On a aussi la promenade Jutras-Lavergne de 4 km et la promenade Giroir-Labbé de 6,5 km. Fait que j'imagine que ça fait découvrir un peu l'historique. Habituellement, quand il y a un nom, c'est parce qu'il y a quelqu'un au bout de ça. Là. Fait que les sentiers, ça pour faire découvrir la culture de là-bas, l'histoire de Victo. S'il y a un trait d'union dans Giroir-Labbé, c'est qu'il est sûrement mort. Pas nécessairement. Non? Non, pas tout le temps. Avec un trait d'union d'habitude, non? Pas tout le temps. OK. Pas tout le temps. Ah ben. C'est gratuit parce que dans le fond, on se promène dans la ville. Il y a ton parking à payer, c'est pas mal tout. Si tu as environ 40 minutes de l'université, les principaux accès se trouvent vraiment au cœur de Victoriaville. On peut se rendre au www.ville.victoriaville.qc.ca pour plus d'informations. Ah, il y en a des points là-dedans, hein? Ouf! OK, j'ai pris mon souffle. Les liens sont tous sur assemblagerequis.com dans la section « Veux-tu sortir avec moi? » Oui. Merci, Émilie. Là, je parle plus de la journée. Là. Non, c'est fini? C'est fini? Ben, je parle plus. Vas-tu te recoucher? Non, non? J'ai pas le temps. Pas le temps. Trop d'affaires. Fin de session, hein? C'est quand même... C'est pas mal fin de session, là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal écrit tard, ma chronique. Mm. Mais je l'ai faite. Parce que je vous aime. Ben, merci! OK. On t'aime, Émilie Gauthier. Veux-tu sortir avec moi? C'est le nom de ta chronique, évidemment. Oh. On le rappelle à chaque fois. Mardi à 8h30. Une autre fois, peut-être. Hey Mathieu! François Olivier! Hey Matt, peux-tu bien me dire pourquoi il y a un 10 roues dans le stationnement? Il y a plein de garnottes dans notre bureau. Ben depuis que j'ai entendu dire qu'Assemblage Requis construisait notre journée avec des matériaux de qualité, ben je fais livrer un camion de garnottes puis un camion de béton par semaine, c'est juste pour aider, je suis fin de même. Matt. Depuis le temps que t'animes cette émission-là, t'as jamais pensé que les matériaux de qualité c'était les chroniqueurs puis la musique? Ah, ça... Ça a bien du sens comme slogan, ça, hein? Hey, pis toute ta patente, là, ça nous a coûté combien, ça, là? Hey, man, qu'est-ce que t'as mangé à ma tête? Tu sens bon, là? Assemblage requis, du lundi au jeudi, de 7h à 9h, à C'est fou. Assemblage requis pour toi aujourd'hui.